et je mets une ou deux petites louches à l'intérieur. Je mets un petit couvercle et je laisse finir de cuire. Je compte à peu près 5 minutes à peu près de cuisson. Et alors après cette endive, on va l'habiller, c'est ça, avec du jambon de pays. Voilà, c'est ça. Alors je le fais avec le jambon de pays parce que bon, c'est un produit que j'aime bien, mais on peut le faire avec n'importe quel autre produit, que ce soit du lard de colonnata, on peut faire du lard fumé ou n'importe. Bon, moi je le fais au jambon. Tout simplement, on prend la tranche de jambon et on enroule l'endive à l'intérieur. Par contre, voilà, je le sers tiède, pas trop chaud, et je le sers en entrée. C'est un truc, voilà, j'ai une petite touche que j'aime bien mettre à l'entrée. Donc en fait, c'est l'endive qui sera un peu chaude, qui va réchauffer, va-t-on dire, le jambon ou le lard qu'on va utiliser. Ça va donner légèrement un petit goût, ça va faire suer un petit peu le jambon, et il y a toutes les saveurs du jambon qui vont ressortir. Et alors, si c'est une entrée, on peut aussi accompagner cette endive d'un œuf poché. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est voilà, le servir avec un petit œuf poché, hein, c'est rien de compliqué, hein, de l'eau à frémissement avec un peu de vinaigre à l'intérieur. Moi, je sale toujours un petit peu l'eau. T'as vu la petite caille? Ouais, faudrait qu'on en prenne une fois, ouais, de la caille, c'est sympa. Caille et jarret. Peut-être à le réchauffer, c'est au micro-ondes. Ah oui, ouais, de toute façon, c'est pas pour le manger aujourd'hui. Des épices ? Oui. Ouais, merci. Salut poditrice, salut poditeur. J'ai décidé de participer à Podcastéo. C'est un groupe d'entraide et de promotion pour les podcasts indépendants. Par conséquent, je vous conseille d'aller écouter le podcast de La Grosse Bouffe. C'est une émission mensuelle, animée par Thomas et Bertrand. C'est un podcast dédié à la nourriture et au boire sous toutes ses formes. Bouffe et diplomatie, bouffe et séduction, la bouffe en hiver. C'est des émissions qui durent à peu près une heure. C'est super, moi j'aime bien parce que c'est bon. De chou. J'ai décidé de les couper en morceaux parce que c'est un peu dur à manger. Il faut les mettre dans l'eau bouillante. Ouais. Et après, du lard, machin. C'est le printemps, quoi. Donc, en fait, il y a plein de légumes. On en a marre de bouffer des patates. Faire du marché quand même avant le déménagement de Christophe, vous fasse le veto. Ouais. Je vais mettre à l'envers. J'aurais vu le mec, il l'a prenait, il l'aurait lâché. Elle n'était pas si profonde avec une poignée blanche. C'est un deux. C'est commode. J'ai cumé les feuilles, les bouts de bois. Oui. Ouais. Ah, j'ai pas de. J'aurais vu le mec, j'aurais expliqué. Quoi. Oh, demain, ça va être rigolo, ça va être trop tôt. Ah merde. Ouais, la monnaie aujourd'hui. Et pour pas faire après-midi, c'est pas faisable, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Moi j'aurais une femme qui est celle de alors. Le sac qui travaille voir le curé, comme on dit. Et il y a quelques années, il y a un petit restaurant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand chose. Hein. Pour le village, l'été, ça manque, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Alors, moi, j'aime bien voilà, voir, mais moi, j'ai tiré un trait là. Et sur... Ouais. Non, non, je ne regrette rien parce que c'était trop. Puis non, mon mari a des problèmes au cœur, moi j'ai aussi, alors j'ai dit il faut arrêter, parce que voilà, j'ai pas vu. Mais vous savez, ils remettront, il faut que vraiment quelqu'un pour remettre l'hôtel aux normes, non. Ouais. Ils sont en train de tuer tous les petits. Ouais, c'est ça, tous les c'est petits. Dommage, ouais, ils ne se rendent pas compte. Hein. Et avec ça, vous envoyez sur des marchés, je ne sais pas comment ils les laissent, parce que si, ceux qui ont les normes. Moi, ils étaient passés et tout, mais je dis, moi, je ne ferai pas de travaux, donc je préfère arrêter l'hôtel, comme ils avaient fait en face. Hein. Mm-hmm. Et donc, quand on en voit certains, on se demande comment ils vendent, hein, parce que c'est dégueulasse. Quoi. Ah. Moi, je regrette. Ouais. Il y a sur le marché, il y en a certaines, j'ai vu à Cajar, c'est pas propre. Hein. Ouais, ouais. Jamais j'achèterai un poulet là. Hein. Ouais. Mais bon, écoutez, c'est la gâchette. Allez, allez, allez. Merci. Allez, bonne journée. Géographique depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en avril 2018, vous écoutez l'épisode 7 de la saison 2. Je vous imagine aujourd'hui peintre en bâtiment. Hier, vous avez été illustrateur, vous avez beaucoup de talent pour le dessin. Mais bon, il faut bien bouffer. Alors, vous avez trouvé ce poste, ce CDD, qui vous permet de voir venir quelque temps. Vous avez déposé les bâches de protection en plastique et vous allez dérouler du scotch autocollant, du scotch bleu, pour pouvoir protéger les contours des fenêtres et le plafond. Aujourd'hui, c'est la peinture des murs. Du coup, vous en avez peut-être pour la matinée. Alors, sur vos oreilles, le casque Bluetooth, dans vos oreilles, le podcast de la Diagonale du Vide. Hey. Ou alors vous êtes tout simplement développeur d'applications. Vous vous rendez dans les locaux de votre start-up, vous vous apprêtez à dérouler du code pour la matinée. Le travail est simple, ça vous permet de profiter du podcast. Cet épisode spécialement est fait pour vous, avec l'histoire de l'informatique en France. C'est un podcast tech depuis la Diagonale du Vide. Alors, la technologie est quand même un peu old school. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ça va. Cette semaine, donc, les hashtags, pour récapituler, on a Grosse Bouffe, on a IBM France et on a Enfance Croisée. Enfance Croisée, c'est une reprise de la Podjam 2018 depuis Rennes. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et japonais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas et pourquoi pas. Nous sommes Enfance Croisée avec Benjir, Oasis et Eric, moi-même. Nous sommes très heureux de participer à Podren et nous allons profiter de ce moment pour partager avec vous des histoires de notre enfance qui nous ont marqué, que ce soit par la peur, le rire ou l'émotion. On va commencer avec Benjir. Benjir, bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous raconter une histoire qui commence à une époque où la plupart d'entre vous n'étaient même pas encore nés. C'était à l'époque où les ordinateurs ne fonctionnaient pas sous Windows. Mon père travaillait pour IBM dans une grande usine à Corbeil-Essonne, l'usine d'IBM France. Il y avait, je crois, 78 000 personnes qui travaillaient là-bas, donc avec un comité d'entreprise énorme. Il y avait même une caserne de pompiers à l'intérieur de l'usine. Et le comité d'entreprise, il y avait une médiathèque, une bibliothèque et un centre de vacances qui était dans le sud de la France, à Buisson-Cadouin. C'est dans le Périgord, je crois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la région. Il y a des petites collines, il y a des arbres, des rivières. Et moi, j'allais passer toutes mes vacances là-bas, évidemment. Le site, c'était le site de la colo était propriété d'IBM, quoi. Donc c'était dans les années 80. Les locaux commençaient à dater un peu. Ils avaient tous été construits dans un délire complètement futuriste dans les années 70. Donc voilà, faut imaginer un peu un village à la Casimir où il y a des dômes, des terrains de sport, des espèces de, il y avait tout, quoi. Une espèce de cantine complètement gigantesque. Et pour éviter que les enfants des cadres et les enfants des ouvriers se sentent sur des différentes classes sociales, quoi, discriminées, on avait des uniformes. C'est-à-dire que on arrivait là-bas avec nos fringues, et au début de la colonie de vacances, on les déposait dans un placard, et on nous filait des uniformes estampillés IBM France. La secte IBM, donc. Voilà, c'est ça, c'était la firme, quoi. Et ces uniformes, ils avaient un petit côté un peu classe quand même. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce travail qui était vraiment super. C'était collector. Ouais, ouais, c'est ça. C'était, en plus, ils construisaient des ordinateurs, quoi, à l'époque où il n'y en avait pas, quoi. C'était vraiment la science-fiction, quoi. Et donc, tu avais des t-shirts bleus, marines, avec trois petites bandes blanches et un logo IBM France. Super, super design. On avait des pantalons, pareil, bleu marine, voilà. Et puis des sous-vêtements bleu marine avec des rayures blanches, voilà, des tricots de corps, des tricots de peau, comme on disait. Et puis des slips, des slips IBM, hein, en vrai. Hein, attention. C'était pas des boxeurs à l'époque, ça n'existait pas. C'était pas des caleçons, ça n'existait pas. C'était des slips kangourous IBM. Donc faut imaginer 800 ou 1000 gamins avec tous le même slip, quoi. Faut imaginer la vrille gigantesque avec des machines, avec des tambours gros comme ça, enfin voilà quoi. Et donc moi je passais des mois de. Enfin, tous les étés, je passais un mois là-bas. Et à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, dans ma tête de gamin, ces fringues-là, peut-être qu'un jour ça deviendra collector. Peut-être qu'un jour j'aurais envie d'aller à une convention de podcast et que je pourrais trouver ça cool d'avoir un slip IBM. Je savais pas que l'avenir que allait prendre cette société, mais c'était quand même, je pense, un bon feeling, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être sympa aujourd'hui que je puisse vous montrer mon slip IBM, même si, enfin, j'avais pas percuté, mais il était grand comme ça. Quoi. Bon, enfin, bref. À un moment donné, courageusement, avant le retour à la maison, je me suis dit, je vais barber un slip. Je vais le mettre dans mes affaires. Donc j'en ai pris un, je l'ai roulé en boule, tout petit, et je l'avais foutu dans ma poche. Au moment où on rend nos fringues, et au moment où on est censé récupérer les nôtres avant de remonter dans le bus, quoi. Et donc j'avais mon slip dans la poche. Et en fait, ils ont fait le décompte des fringues pour essayer de vérifier si on leur avait pas volé des slips, quoi. Il y avait un mec chargé de compter les slips, un autre chargé de compter les t-shirts. Donc, faut imaginer des Américains assez grands avec des lunettes de soleil en train de compter les fringues des gosses, quoi. Et je me suis retrouvé un peu angoissé, un peu inquiet. D'autant plus que devant moi, dans la file d'attente, il y a un gamin qui s'est fait gauler avec un t-shirt, quoi. Donc, au moment de rentrer dans le bus, le gamin avec le t-shirt s'est retrouvé mis de côté par rapport aux autres enfants, quoi. Derrière deux Américains, il a été enlevé, il a été mis dans une petite salle. Moi, j'ai pris mon slip, je l'ai balancé derrière moi. Tant pis, j'ai pas de slip. Mais j'ai pu remonter dans le bus. Et le gamin, il est pas remonté dans le bus. Non, que calme poétique, mais toujours l'intonation y est. Avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Cette puce est capable de stocker 64 millions d'informations élémentaires, l'équivalent de 6000 pages de texte, soit 4 fois la capacité de mémoire de l'actuel 16 mégas. Dans un an et demi, cette super puce aussi sera fabriquée sur le site de Corbeil-Essonnes. Pour ce projet, IBM va investir 5 milliards de francs et donner un nouveau souffle à l'emploi local. Pour ce projet, IBM a reçu le soutien logistique et financier du Conseil régional d'Île-de-France, une contribution à la formation professionnelle, ainsi qu'une exonération de la taxe professionnelle pendant 2 ans. Des avantages qui inciteront peut-être l'américain IBM à fabriquer ici ses prochaines trouvailles, la future 256 mégas et la future giga. Dans un 1401. C'était comment? C'était des grandes plaques avec dedans des composants? Des petites plaques SMS grandes comme ça, tiens. Ouais, exactement comme ça. Moins épaisses, avec un embout, et puis avec dedans, il y avait, je sais plus, 13 contacts. Et dessus, tu avais des transistors, des résistances, des selfs. Voilà, c'était un circuit imprimé. Hop, et en dessous, tu avais tout un réseau de fils, tu avais tout un réseau de... C'était doré au départ. Non, c'est cuivré. Cuivré. Donc, ils dessinent dessus un... Ils dessinent autour des fibres. Ils retirent de la cire. Et on met ça dans un bain. Et clac, il ne restait que le circuit dit imprimé. Et où, après, tu en fichais les transistors avec les trois branches, c'était fait à la... Et toi, tu réparais ces trucs-là? Ah ou oui, tu les changeais? Alors, on les changeait et on les réparait. On a fait des pannes où on changeait seulement le transistor quand on était sûr de nous. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, en fait, les cartes en carton que tu as sur lesquelles tu notes tes cours... Ah, mais ça, c'était tout à fait autre chose. Tout ça, c'était les ordinateurs d'avant ceux-là, quoi. Ça, c'était pas les ordinateurs. Si, ça marchait aussi sur ces lecteurs de cartes. Ça, c'était des cartes perforées. Ouais. Où il y avait dedans, il y avait 80 colonnes, donc il y avait 80 caractères possibles. Et les caractères, il y avait 64 possibilités. Et donc, tu avais des trous ou tu n'en avais pas? Oui. Et la lumière, elle passait à travers? Ça dépend, il y avait des lecteurs optiques, mais très peu. C'était surtout des petits balais, des balais qui frottaient sur un rouleau de contact. Et la carte passait. Ah ouais, ça faisait passer l'électricité ou ça l'avait voilà, pas passé. Voilà. Et puis alors c'était séquencé par des cams. Quand c'était le temps du 0, le temps du 1, le temps de 1, et ça enregistrait. Et ça servait à quoi? C'était en fait les informations. Oui. Elles étaient... Par exemple, une feuille de calcul, elle était numérisée. Sur ces cartes-là, tu pouvais avoir le nom, hein, le numéro de code, des valeurs... Hein, et puis ça, voilà. Par exemple, on faisait tout ce qu'on voulait. Mais, non, mais tu pouvais pas les mélanger, du coup, les cartes. Ces cartes-là? Ouais, il fallait qu'elles soient dans une boîte, dans un ordre bien précis. Ben, bien sûr. Donc c'était trié sur un numéro de séquence qui était... Et des fois, ils allaient chercher une information qui était sur une carte. Et du coup, ils savaient que la carte, elle était dans telle boîte. Oui. Et que c'était la 947e. Tu passais ça dans des interclasseuses qui faisaient soit des assortiments, soit des mélanges de cartes. Et tu vois, on passait un bac de cartes comme ça, enfin les opérateurs, c'était les clients. Tac, et puis clac, il existait une seule carte. Alors, c'était tout un... La mécanographie, c'était tout un... C'était tout un art. Un art. Parce que il y avait des... Et après, ça, pour les 1401, il y avait des lecteurs perforateurs de cartes qui étaient connectés. Et puis en plus, alors il y avait des disques, des bandes, des imprimantes, de grosses imprimantes. Mais au départ, pour rentrer l'information, c'était des cartes. Alors c'était soit envoyé sur des bandes, puis après ça ventilait sur les bandes, c'était beaucoup plus rapide. Mais à l'origine, c'était des cartes. Et donc tu n'avais pas de système d'exploitation comme Windows ou des trucs comme ça? Ah si, si, si, si, ça marchait. Et DOS. Donc le système d'exploitation... Le DOS a commencé avec le 1400. Donc le DOS a commencé avec des cartes en... C'était le disque operating system. Et c'était la RAM, en fait, les cartes. La mémoire vive. Alors, la mémoire, le 1420 avait une mémoire de 4K, 4000 caractères, 4000. Là, maintenant, on a 64 gigas. C'était du carton, les 4K, quoi. Ah non, c'était des ferrites. C'était des ferrites, des petits aimants, des gros comme tes lentilles, hein, comme les lentilles qu'on a vues, hein, des anneaux percés. Puis dedans, il y avait trois fils qui le traversaient. Alors c'était tricoté, hein, beaucoup étaient montés à la main, parce qu'il y avait des passages un peu spéciaux. Alors tu avais les fils. Quand le courant passait du même sens, hop, il ne se passait rien. Quand le courant passait de sens opposé, suivant les décisions de l'ordinateur, sens opposé, tac, ça aimantait la ferrite. Ou si elle était aimantée, ça la faisait basculer dans l'autre sens. Et le troisième fil, il t'indiquait qu'il y avait un bit. C'était bit, no bit. Le 0-1, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Bit, no bit. L'ordinateur IBM 1401 a été présenté pour la première fois en Europe du 16 au 20 février 1960 au palais de l'UNESCO à Paris. L'ordinateur 1401, dont la production commencera en Europe au début de 1961, prend place entre les grands ensembles IBM et les équipements à cartes perforées. Dans sa conception, il a bénéficié des techniques mises au point pour les ordinateurs. Il n'en constitue pas moins une machine économique à la disposition des entreprises moyennes. Les machines traditionnelles à cartes perforées ont perfectionné de façon continue les solutions aux problèmes de gestion des entreprises. Mais ces problèmes ont pris... Mais après 1400, il est venu d'autres systèmes bien plus performants. Bien plus performants. Mais ils continuaient à avoir des 1401 dans certaines entreprises. Ah bah oui. Ils n'avaient oui, pas oui. changé tout leur système non, parce que moi, ça marchait très bien. Dans l'agence 214, j'ai fini les 1401 qu'il y avait là. En quelle année à peu près? Alors. J'ai dû faire les 1401, j'ai dû commencer en 68. En 68, j'ai fait mes cours. Ensuite, j'ai fait. Fontainebleau. Oui, dans les années 84-85, c'était vraiment les derniers. Et donc, en 1985, il pouvait encore y avoir des ordinateurs qui utilisaient des cartes en carton pour pouvoir faire tourner des... Mais même les 360, ils avaient toujours des cartes perforées. C'était la base pour l'entrée des données. Oui. Maintenant, pour l'entrée des données, elle tape sur le clavier, ça va dans la mémoire du petit ordinateur, et ensuite c'est ventilé dans les grands. Ouais. Et là, il y avait quelqu'un qui devait perforer des cartes. Ah ben, t'avais les opératrices, il y avait les perforatrices, les vérificatrices, et les ateliers, je te prie de me croire que ça faisait du bruit. Et donc ils avaient des machines avec des petits poinçons qui perçaient les machines. C'était comme des imprimeurs, sauf que au lieu de mettre des caractères d'imprimerie, ils mettaient des petits trucs, des petits emporte-pièces, et ensuite, clac, clac. Pour perforer une carte, il y avait la possibilité de perforer 4 fois les 12, les 12, les 12 trucs à la... Ouais, c'était comme un petit boulier, quoi. Oui, ça avançait par ça. Ça avançait colonne par colonne. Les 26 lettres de l'alphabet, les chiffres et 12 caractères spéciaux. Un ruban de tissu est intercalé entre la phrase gravée de la chaîne et le papier. 100 ou 132 marteaux placés derrière le papier le frappent à la volée au moment où les caractères à imprimer se présentent devant la position voulue. malgré la rapidité de la frappe, l'impression est parfaitement alignée et la lisibilité remarquable. Un contrôle de validité du caractère est assuré. Après impression, un écho assure l'exactitude de l'opération. L'ordinateur 1401 de base constitue un ensemble complet de gestion. À partir de cartes perforées, toutes les applications habituelles peuvent être traitées plus rapidement et plus complètement que par aucun système. Lorsque le volume des données à traiter l'exige, l'ordinateur 1401 peut utiliser la bande magnétique comme support d'information. Une à 10 unités 729 peuvent être connectées à l'ordinateur. Chacune d'entre elles peut lire ou enregistrer 5 ou 15 millions de caractères. C'est-à-dire qu'une bande magnétique contient la totalité des informations représentées par ce fichier de 110 000 cartes perforées. Deux modèles d'unités de bande magnétique peuvent être connectés au système. L'une fonctionnant à la vitesse de 41 667 caractères à la seconde, l'autre à la vitesse de 62 500 caractères à la seconde. Ces unités sont munies d'un dispositif de vérification absolue de la lecture et de l'enregistrement des données. L'utilisation de la bande magnétique permet la lecture et la consultation de fichiers. Le 1401 peut, par exemple, en 2 heures, mettre à jour 26 000 mouvements dans un fichier de 225 000 clients. Il peut également être mis au service d'un ordinateur plus puissant que lui, 7070 ou 7090 par exemple. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à vous parler. Comme toujours, je vous demande de bien vouloir me laisser un commentaire sur ma page iTunes. https://itunes.apple.com/fr/podcast/la-diagonale-du-vide. Je répète, non, c'est bon. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Allez vous coucher si c'est le soir, et si c'est le matin, allez travailler, si vous avez du travail. N'oubliez pas d'être curieux et attentif. C'est super important. Moi, je vous retrouve dans 2 ou 3 semaines, dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles. Ou peut-être si tu réussis à mettre 2 micros comme ça, et tu les mets là, comme ça, ils arrivent là, et tu fais genre, c'est une barbe avec un tout petit collier. Tu vois, ils s'en rendent même pas compte, quoi. Le truc, il est à 40 cm de sa bouche.